chaîne, c'est pour aimer, faut être deux. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Ma chante pour bon ça. Ma chante pour bon ça. Nouvelle douleur, c'est le monde de bon faire un petit goûter. Pas foutu, mais le encore ma vie baga la découvrir. Dans ma crie, ça m'a été qu'à manger pas chaud. Si mal m'en est doublé, qui a dit moi son monde. C'est nous qui ça qu'est bonbon, net bonbon, même net bonbon. Des fois qu'on doit y aller, pour les bons. On croit, on s'en va chahir. On n'est pas pour billaï. Baptiste, on met des mailles. Pour ma lave la caille. Aïe, à la goût, à la goût, à la goût, à la goût. Et bien côté mon goût, c'est le capou. À la goût, à la goût, à la goût. À la bonbon, guégou. Mes amis, mais qu'est-ce que bon. De votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. 18h, 20h, c'est Chantal qui vous accompagne avec le maximum de très bons sons, du coup pas du zouk, du zouk rétro, du coup pas rétro, enfin bon, vous connaissez l'émission jusqu'à 20h, ça se passe comme ça, cette ambiance en soleil. On va continuer après le groupe Impossible, je vous propose de continuer avec le groupe original H. Ah, c'est pas tout jeune, mais moi j'adore ce morceau. Baby, what up? 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Si bien ensemble, malgré nos différences, il me semble, d'autres n'ont pas le même. Pour exemple, on est beau, on est chanceux, on fait même des envieux. On a toujours l'impression d'être heureux. Nous poster seulement 5 positifs, mais la société va conquis, j'en ai. Baby, my love, oh, will you take me to your body? entre toi et moi. Et vous pensez que l'on va qu'on ne fâche. Deux enfants, mes amis, nous n'avons pas assez. Notre autre relation, nous connaît qu'on a intention.

déjà pris il y a longtemps. ciel, c'est du soleil. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. De Jimmy Devarieux, le titre que vous voulez l'entendre, c'est L'ennui tombé sur le 96.2. Et tout, ça commence à tomber aussi chez nous. Hein. Allez, pour tous les fanatiques, grande page compa. On va y aller. Du matin, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Denem sou volan, yon pye m sou gaz, lot la soufre m baka kouti. E mwen pal polis, non non, baka lele polis, non non. E mwen pal kolik, non non, baka lele polis, non non. Baby, I get you all my love. Yeah. Thought of you keep messing with my brain, yeah. this day, I never know. Girl, you left me so confused. Remember when the loving was a regular? Everything we used to have, now you sell it off. Say you had enough, and you're giving up. But after everything, still baby, I gave you all my love. Tell me why you hurt me like this. Tell me why you hurt me like this. Say why you give me up. I gave you all my love. Tell me why you hurt me like this. Who you wanna do me dirty like this? Souhaiter un jour avoir contre une douleur. Wash up, baby, wash up, go. All my love. en couleur. En couleur. Ancienne 96.2, chaque jeudi, 18h-20h, c'est votre émission Groupe Tropical. chercher l'eau, celui-là. Je peux vous dire que la poussière, sur le 96.2, c'était Gypsy, de Pétion Wheel en live. T'as du mal à rester assis comme ça. Tout de suite, ce qui suit. Ben, ça veut même pas s'arrêter d'ailleurs. Allez, on reste sur la cadence avec T-Vice. Et rappelez-vous ce titre-là. Je crois que si vous n'avez pas dansé là-dessus, et qu'on prend rien, vous n'êtes pas les fanatiques du compas. h 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est qu'on va la Si nous chauffons, tout le monde est en haut.

m'abandonner. Alors que moi, je faisais que négliger ton amour, ma fidélité. Tout ce que je n'avais pas décidé. T'inquiète pas, je vais me rattraper. J'explique, j'ai des sentiments. Je me suis attaché à toi. Et si j'insiste, c'est que t'en vaux la peine. J'ai l'impression qu'on tourne.

pour satisfaire toute envie. Si on fait que bon souvenir, avant que t'en finis, faut qu'on fait toute folie. Hey, on a l'air. Monsieur Défoulé, mesdames, yo. Ha ha. N'est plus un combat. Hey. Attention, tout va changer. C'est pour me déplaire, fais comme il dit. c'est nous femmes vagabonds. Oui, c'est nous femmes vagabonds. Vagabonds, vagabonds. Et pour aider d'un boudin. Vagabonds, vagabonds. Et puis samedi, y'a m'en vais dans. Vagabonds, vagabonds. Les gens sont vagabonds. Vagabonds, vagabonds. Je vois qui femme vagabonds. Vagabonds, vagabonds. Et pour aider d'un boudin. Vagabonds, vagabonds. Et puis samedi, y'a m'en vais dans. Vagabonds, vagabonds. Ça s'en va, on est tous. tropicale, chaque jeudi entre 18h et 20h sur Radio Arc-en-Ciel. Seulement tout ça périt. Ali, c'est moi qui avais dansé. Yeah. sur un concert dans notre émission Groove Tropical. C'était le groupe Zafen, qui a eu aussi le trophée du meilleur groupe de Koupa 2024. Rien que ça. En tout cas, j'adore cet album. Il y a plusieurs titres là-dessus. C'est tout dernier album, hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Mais le titre que vous venez d'entendre, c'est ça. Soleil. Bon, tiens, petit retour en arrière. Non, non, je vais vous proposer autre chose. Attends, parce que celui-là, il est meilleur. Pour terminer l'émission. Ils sont toujours là. Nouvel album en 2024. C'est Volo Volo avec Memories. de séquence souvenir, en tout cas avec le groupe Volo Volo en 2024. Moi j'adore. Et puis sur le 96.2, l'heure pour le moment de vous quitter, il est presque 20h. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil, avec le plein de nouveautés. Je vous laisse en compagnie de DJ KOS sur le 96.2 pour terminer cette émission. Et très très bon week-end à vous. Bye bye. Pas défaut, je sais. Malgré toi, tu me vois comme les autres. Pourtant, je peux faire doucement s'il faut ralentir, maman. Je suis ton élite, ma Ashanti, maman. J'ai gardé 4-3 fois canon. Le big up, j'ai les tatons, j'touvre un salon. On y va. J'aime tes formes, t'as le body authentique, bébé. J'suis pas trop dans le délire romantique, mais bon. Danger, bébé, t'es danger, toi. J'suis branché, bébé, juste avec toi. Je rêvais, bébé, que dans tes bras. Toi, ton père et ta mère, 30 qu'à la bague pour te fiancer. Dis-moi, c'est comment? Si t'as des bis, bis, bébé, je suis le bouc qui peut financer. Dis-moi, c'est comment? J'ai eu un coup sexy, accepte-tu de danser? Bébé, dis-moi, c'est comment? Dire ma lame et l'eau, le pot de filet va pas changer. Dis-moi, c'est comment? Dis-moi, c'est comment? Sans toi, sans toi, non. Sans toi, sans toi, non. O Presidente da República daqui a cerca de uma hora, nessa declaração em que se vai dirigir aos